Pourquoi la querelle du pain a abouti au schisme d'Orient ? Dans plusieurs de mes chroniques, j'ai invité les auditeurs à se méfier des simplifications qui présentent l'histoire comme une succession de grandes dates. J'en donnerai une nouvelle illustration aujourd'hui en vous parlant de ce que nos manuels d'histoire appellent le schisme d'Orient, qui aurait eu lieu en 1054. Date retenue pour indiquer le moment de la séparation au sein de la chrétienté entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. En réalité, pour comprendre ce divorce, il faut remonter au IVe siècle de notre ère, quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain et Byzance, rebaptisée Constantinople, aujourd'hui Istanbul, a été proclamée capitale de l'Empire romain d'Orient. À partir de ce moment-là, l'Église chrétienne est devenue une entité bicéphale, partagée entre Rome et Constantinople. Jusqu'au Xe siècle, le patriarche de Constantinople conserva une forte influence en Italie du Sud, mais lorsque les Francs et les Normands s'installèrent dans cette partie de la péninsule, la papauté tenta de renforcer son autorité spirituelle en y implantant le rite latin au détriment du rite grec. La rupture, survenue le 16 juillet 1054, fut le premier point d'aboutissement de ces rivalités ancestrales. La querelle qui opposa le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, et le pape de Rome, Léon IX, aboutit à des excommunications réciproques à cause d'une histoire de pain. Pour la consécration de l'Eucharistie, les chrétiens d'Occident utilisaient ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'hostie, fabriquée avec du pain azim, un pain ancien qui n'est pas gonflé sous l'effet du levain, car il est uniquement constitué d'eau et de farine pétrie ensemble. C'est ce même pain que les Juifs font cuire durant la fête de Pessah, la Pâque juive, en souvenir de leurs ancêtres qui se nourrirent de pain sans levain dans leur hâte à quitter l'Égypte où ils étaient retenus en esclavage. Le patriarche de Constantinople ne pouvait pas admettre que le pape impose aux chrétiens le pain azim, car dans le rite grec, on utilisait du pain levé. C'est surtout cette divergence sur la façon de cuire le pain qui alimenta les échanges injurieux entre les deux hommes. La preuve figure dans une lettre du patriarche de Constantinople annonçant la stratégie qu'il comptait développer pour triompher du rituel latin. Le moment est venu de faire un éclat et de déclarer la guerre à tous les azimites. On commencera par s'attaquer au latin de la capitale, il parle ici de Constantinople. Puis on fera savoir au pape et à tous les latins que, s'ils veulent entrer en communion avec les orthodoxes, ils ont à abandonner l'usage du pain azim pour adopter le pain fermenté dans la célébration. Toutefois, contrairement à ce que pourrait laisser croire la place accordée à la date de 1054 dans les manuels d'histoire, cette polémique entre le pape et le patriarche ne fut pas prise très au sérieux à l'époque. À la fin du XIe siècle, il n'était pas encore question de schisme. C'est la chute de Constantinople, d'abord aux mains des croisés en 1204, puis des Turcs en 1453, qui fut le facteur décisif dans la séparation entre les chrétiens catholiques et orthodoxes.